profil, les échos qui nous arrivent. Faut prendre conscience de toutes sortes de dérives. On manipule la tour, on manipule de travers, souvent de tourne à l'envers. On voudrait que les poules pondent des œufs carrés, plus facile à gérer, plus facile à ranger. Et que les poulets naissent sans plumes, ce serait déjà ça de gagner. Faut pas rêver, faut pas rêver, on va pas laisser ça passer. Faut pas rêver, mais se révolter, la vie a mieux à proposer. À l'ère de la pensée unique, on veut tout normaliser. Ta façon de draguer, ta façon de manger, t'as même plus à te penser, on pense pour toi. T'as qu'à tout agurgiter. La mer t'en bouffe tous les jours, même si tu penses le contraire. Y'a qu'à garder dans ton assiette, tu vas choper le cancéreux, à la dioxine, tous les hauts hormones, c'est pas bon pour ton ulcère. Faut pas rêver, faut pas rêver, on va pas laisser ça passer. Faut pas rêver, mais se révolter, la vie a mieux à proposer. Responsable politique, marque ou la sans morale, c'est une question d'éthique et c'est même capital. On joue pas avec la vie, ni on la met en péril pour une question d'intérêt. Et on est là, on te parle dans cette valide, on te parle de la bière, on parle de Koswa Jacob qui n'est même pas dans l'annuaire. Même l'information est manipulée, y'a vraiment pas de quoi être fier. Dans notre course quotidienne, pas envie de cuisiner. Un petit tour au McDo et le tour est joué. Enfin de tout pays, ayez une pensée pour la magouffe organisée. Faut pas rêver, faut pas rêver, on va pas laisser ça passer. Faut pas rêver, mais c'est voté, la vie a mieux à proposer.